quelle semaine? Le 4 mai, les trois derniers otages français au Liban sont libérés. Le lendemain, l'assaut est donné à la grotte d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie. Les 23 otages sont libérés, mais le bilan est catastrophique. Deux militaires et 19 Kanaks ont été tués. Encore 24 heures, et l'on apprend que Dominique Prieur, l'ex-Madame Turange de l'affaire du Rainbow Warrior, placé en résidence surveillée sur l'atoll Dao, a regagné la métropole malgré les accords passés avec la Nouvelle-Zélande. Elle serait enceinte. Deux jours plus tard, les électeurs sont appelés à voter pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Ils doivent choisir entre l'hôte de Matignon et celui d'Élysée. Cette cascade d'événements, juste avant une élection aussi importante, ne doit bien sûr rien au hasard. Mais, nous le savons, cela n'empêchera pas François Mitterrand d'être réélu et de triompher largement de Jacques Chirac. Ouvéa, la grotte des guerriers, la grotte sacrée, la grotte sanglante. Quel mystère cache-t-elle encore? Monsieur X m'a proposé d'ouvrir ce dossier très sensible parce que, prétend-il, des hommes qu'il connaît bien y ont joué un rôle. Des hommes qui, vous l'avez compris, appartenaient ou avaient appartenu aux services secrets. Mais avant d'écouter mon interlocuteur, je crois qu'il n'est pas inutile de situer à grands traits cette troublante affaire dans son contexte. La Nouvelle-Calédonie est française depuis 1853. À de nombreuses reprises, les Kanaks vont se révolter contre la colonisation et la confiscation des terres. La répression sera sans pitié. À la fin des années 1960, de jeunes Kanaks commencent à dénoncer la marginalisation économique et le racisme dont ils sont victimes. Le pouvoir riposte fermement. Et pour contrer ce mouvement, Paris appelle à une immigration massive de citoyens européens ou originaires des départements d'outre-mer vers la Nouvelle-Calédonie. Désormais, les Kanaks seront minoritaires chez eux. L'élection de François Mitterrand, en 1981, redonne espoir aux indépendantistes. Mais, paradoxalement, cela se traduit par une exaspération des tensions entre les autochtones et les colons, les caldoches, comme on les appelle. En 1983, le secrétaire d'État socialiste au Dom-Tom, Georges Lemoine, fait un geste spectaculaire en organisant une table ronde à l'issue de laquelle, pour la première fois, est reconnue la légitimité du peuple kanak sur sa terre natale et son droit inné à l'indépendance. Son successeur, Edgar Pisani, malgré l'élimination physique d'un leader indépendantiste, Éloi Machereau, par des gendarmes du GIGN, met en place un découpage régional favorable aux Kanaks et prévoit un référendum sur l'accession du territoire à l'indépendance en association avec la France. Mais les socialistes perdent le pouvoir. Bernard Ponce, le nouveau ministre des Dom-Tom, prend systématiquement le contre-pied des initiatives de ses prédécesseurs et organise un véritable quadrillage militaire des tribus Kanaks. Il veut briser le mouvement indépendantiste qui, selon lui, se réduit à une poignée d'agitateurs. À nouveau, c'est la tension entre les deux communautés. D'autant qu'en octobre 1987, des métis appartenant au parti caldoche, le RCPR, sont acquittés par la cour d'assises, bien qu'il ait été établi qu'ils avaient abattu 10 militants kanaks, dont deux frères du leader indépendantiste Jean-Marie Tchibaou. En apprenant ce surprenant verdict, ce dernier déclare alors « Cela veut dire qu'on peut abattre les kanaks comme des chiens. Il n'y aura pas de justice pour les kanaks tant qu'il n'y aura pas d'indépendance. Cela veut aussi dire que la justice ne peut se faire qu'avec des coups de fusil. » Un discours prémonitoire. 8 mois plus tard, ce sera la prise d'otage et la tragédie d'Ouvéa, une affaire qui va marquer un tournant important dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Après la tuerie, viendront la paix et les accords de Matignon. Père Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Connaissez-vous l'île d'Ouvéa? Malheureusement, non. Ah, dommage pour vous, c'est une île paradisiaque. Un atoll longiligne de 24 km qui fait partie de l'archipel des îles Loyauté, au large de la Nouvelle-Calédonie. Des plages de sable, des cocotiers, et plus loin, la forêt subtropicale. Un endroit idyllique. Ouais, et la population? Essentiellement mélanésienne et regroupée en plusieurs tribus. Mmh. Et tout a commencé par l'attaque d'une gendarmerie, hein, c'est ça, hein? Oui, ouais. Mais il fallait s'attendre à quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que les Kanaks étaient particulièrement remontés. Il y avait d'abord eu l'affaire de l'acquittement des meurtriers d'Yen Gené, et puis la décision de Bernard Ponce de jumeler les élections régionales avec l'élection présidentielle. Deux élections sur un nouveau statut très défavorable aux indépendantistes et boycottées par leur principal parti, le FLNKS. Et puis il y a encore l'omniprésence des forces militaires et de la gendarmerie. Enfin, tout cela a été vécu comme autant de provocations. Non, mais j'imagine que les autorités locales devaient le savoir. Bien sûr. Mais peut-être qu'à Paris, on ne savait pas que là-bas, à l'autre bout de la terre, les Calédoniens, qu'ils soient Kanak ou Caldoche, vivaient sur un volcan. Oui, j'en doute quand même. Oui, je crois que vous avez raison. D'autant que plusieurs opérations contre des gendarmeries avaient déjà eu lieu. En tout cas, au matin du 22 avril, le poste de Fayaoué est attaqué. C'est un poste important ? Bah, d'habitude, à Fayaoué, il y a trois gendarmes. Ouais. Enfin, à cause de la proximité des élections fixées au 24 avril. 24 avril, deux jours plus tard, donc. Oui, ouais. Donc 28 gendarmes mobiles sont... 28 venus... Oui, ils sont venus renforcer l'effectif. Mais c'est beaucoup, non, pour une aussi petite île. Incontestablement, oui. Pour les tribus d'Ouvéa, c'était une provocation supplémentaire. Alors, comment ça s'est passé exactement ? Des Mélanésiens se sont introduits par diversion dans la brigade, d'autres attendaient à l'extérieur. Ils avaient des revendications, là. Que voulaient-ils ? Prendre les gendarmes en otage. Mais l'un des officiers a résisté, pris son arme, tiré. La suite était presque inévitable. Le massacre, vous voulez dire ? Oui, quatre gendarmes ont été tués. Oui. On a dit que ces hommes avaient été tués, ces gendarmes avaient été tués à coups de sabre et de couteau. C'est vrai, mais c'est aussitôt ce qu'on a prétendu à Nouméa. Mais c'est complètement faux. Ces gendarmes ont été tués par balles et non pas par arme blanche. Mais pourquoi on a prétendu le contraire alors ? Parce qu'il fallait accréditer l'idée que ces Kanaks n'étaient que des sauvages. Une idée pas très neuve d'ailleurs. Enfin, il ne faut pas oublier que Kanak, qui veut simplement dire homme en mélanésien, a longtemps été utilisé comme insulte. Oui, ça c'est vrai. Donc, il y a eu des informations. Oui, ça ne sera d'ailleurs pas la seule. Plus tard, on prétendra que les meneurs ont été formés en Libye. C'est bien sûr une stupidité, mais enfin, tout est bon pour les discréditer. Mais alors, dans quel but ? Justifier ce qui va suivre. C'est-à-dire la mise sur pied d'une véritable opération militaire. D'accord, mais enfin, il y avait quand même quatre gendarmes tués. Et tous les autres pris en otage, c'est vrai. Bon, je ne conteste pas la gravité des faits, mais même si je vous l'affirme, il s'agit d'un dérapage. Le FLNKS, qui était à l'origine de cette initiative, avait d'ailleurs prévu d'autres opérations similaires. Mais le massacre d'Ouvéa va contrarier les desseins des indépendantistes. Alors, selon vous, qu'aurait-on pu faire ? Avant d'utiliser la force, on aurait pu essayer de négocier, faire appel à la coutume, demander la médiation d'un Jean-Marie Djibaou, un homme qui avait toujours fait preuve de modération. Mais non, il fallait faire un exemple. Il y avait le contexte électoral. Oui, ça a pesé très lourd. Et d'autres choses encore, mais enfin, nous en reparlerons tout à l'heure. En attendant, je vous propose de suivre chronologiquement les événements. Allons-y, alors. Les Kanaks ont donc pris les gendarmes en otage et ils ont aussi raflé toutes les armes et tous les véhicules de la brigade. Aussitôt, les indépendantistes se séparent en deux groupes. Un convoi part vers le sud, l'autre vers le nord. Et c'est celui-là qui nous intéresse. Pourquoi celui-là ? Parce que les Kanaks qui sont partis vers le sud libéreront assez rapidement leurs otages. Et les autres, donc ? Ils s'enfoncent dans la forêt. Et très vite, on perd leurs traces. Pendant ce temps, de considérables renforts arrivent sur l'aérodrome d'Ouvéa, tandis qu'à Paris, on décide d'envoyer le GIGN sur place. Les gendarmes. Oui, mais enfin, la décision la plus importante, c'est que le gouvernement dessaisit la gendarmerie et donne tous les pouvoirs au général Vidal qui commande les forces armées en Nouvelle-Calédonie. Alors même qu'un général de gendarmerie venait d'arriver tout exprès de Paris. Mais pourquoi insistez-vous particulièrement sur ce point ? Parce que c'était d'abord une opération de police qu'il fallait mener. Et sur nul autre point du territoire français, on aurait envoyé l'armée. Alors, pourquoi en Nouvelle-Calédonie ? Bon, pardonnez-moi cette comparaison, mais ça rappelait quand même étrangement l'Algérie, non ? Autrement dit, d'après vous, on faisait de la Nouvelle-Calédonie un territoire d'exception ? Oui, c'est à peu près ça. Mais ça va expliquer les premières bavures. Expliquez-moi. Gendarmes et militaires commencent à utiliser les hélicoptères pour repérer les otages et leurs ravisseurs. Mais sur une île qui est assez petite, hein ? Oui, enfin, la forêt y est très dense. Et pratiquement, on peut y marcher longtemps sans se faire repérer. Donc, les militaires vont changer de tactique. C'est-à-dire ? Ils savent que l'un des convois est parti vers le nord, là où se trouvent trois tribus notoirement indépendantistes, surtout l'une d'elles, celle de Gossana. Donc on peut légitimement penser que les ravisseurs y ont trouvé refuge ? En tout cas, les militaires peuvent imaginer que les gens de Gossana savent quelque chose. Ils investissent donc la tribu et ils vont le faire sans grand ménagement. X. Opération militaire, a dit Monsieur X à propos des événements d'Ouvéa. Je vous livre ce commentaire d'Edoui Plenel, directeur de la rédaction du Monde, extrait de l'un de ses ouvrages « Mourir à Ouvéa, le tournant calédonien ». À Ouvéa, île française d'outre-mer, une opération militaire fut menée pour mettre fin à une prise d'otage. Ce qui aurait pu et aurait dû n'être qu'une action de police, devint par la volonté des gouvernants d'alors un coup de main guerrier, préparé par une occupation militaire, loin de tout regard indiscret, sur un atoll autoritairement interdit à la presse. Une guerre sauvage, puisque dépourvue d'assises légales crédibles. Ni l'état d'urgence, ni l'état de siège ne furent proclamés, seul cas où l'armée récupère par la loi les pouvoirs de l'autorité civile. Et plus loin, le même auteur ajoute, on ajoutera également la décision de déclarer provisoirement UVA zone militaire, comme on le fait de certains terrains de manœuvre. Le tout fera de l'atoll une zone à part dans la République française, interdite à la presse, privée de communications téléphoniques, coupée du reste du monde. Autrement dit, un lieu d'exception où les règles démocratiques habituelles n'ont plus cours. Et quand vous me dites que les militaires vont agir sans ménagement... Bah, c'est clair, non? Plusieurs centres d'interrogatoire sont créés. Et tous les habitants mâles de la tribu sont questionnés. Brutalisés? Écoutez, j'étais pas sur place. Hein. Enfin, les témoignages impartiaux font état de méthodes particulièrement musclées et d'arrestations arbitraires. Et c'était prévisible. Les militaires n'ont pas reçu une formation d'officier de police judiciaire. Oui. Et pensez-vous que l'emploi de ces méthodes a eu des conséquences sur la suite des événements? Je le pense, oui. Mm-hmm. Les ravisseurs qui n'ont jamais cessé d'être au contact avec la tribu de Kassana ont appris ce qui s'était passé. Et ça n'a pas concouru à les apaiser. Ouais. Je vais me faire, moi, la beauté du diable. Ces ravisseurs étaient tout de même des meurtriers. D'accord. Mais c'est avec des arguments semblables qu'on légitime la torture. Et ça, moi, je ne l'admettrai jamais. Bon, fermons donc la parenthèse, là. Mais est-ce qu'au moins ces interrogatoires ont produit des résultats? Oui. Ravisseurs et otages se trouveraient dans une grotte, la grotte des guerriers. Grotte des guerriers, c'est pourquoi ce nom, hein? Non, parce qu'il s'agit d'une grotte sacrée où les Mélanésiens déposaient les dépouilles des guerriers morts au combat. C'est donc un endroit symbolique. Oui, et on ne tiendra pas assez compte de ce fait. La grotte est une sorte de lieu de culte, donc en principe inviolable. Ouais, un endroit que les Kadaks seront prêts, j'imagine, à défendre charnement. À l'évidence, j'ajoute qu'outre son caractère sacré, le choix de la grotte des guerriers est assez judicieux. Pourquoi? Parce que l'entrée se trouve au fond d'un cratère aux hautes murailles et que partout la végétation est foisonnante. C'est assez facilement défendable. Oui. Ouais. Mais j'imagine que les militaires doivent d'abord procéder, comment dirais-je, à une sorte de repérage. C'est à peu près ça, oui. Le premier qui y va est un jeune lieutenant. Il est accompagné d'un pisteur. Pisteur Kanak? Oui, c'est un type qui appartient à une tribu anti-indépendantiste. Ça se passe comment? Mal. Ah, c'est-à-dire? Le lieutenant est fait prisonnier et le pisteur est malmené. Mais la scène a eu d'invisibles témoins. Les hommes du GIGN qui ont tout observé à la jumelle. Ils ont donc pu découvrir le système de défense des occupants de la grotte. Exactement. Ils ont noté en particulier les postes de combat établis à l'extérieur. Ils ont vu aussi le chef des ravisseurs, un certain Alphonse Dianou. On sait qui c'est, celui-là? Oui, c'est un ancien séminariste qui a rompu avec l'Église et qui s'occupe des jeunes du parti indépendantiste, le FLKS. Je crois me rappeler que Djibaou aussi a reçu une formation religieuse. Il a même été ordonné prêtre avant de renoncer et de devenir le leader politique, vous savez. L'Église a donc joué un rôle dans la prise de conscience des jeunes Kadaks? Bon, incontestablement. Enfin, ces gens, pour la plupart, se sont séparés de l'institution, même s'ils ont gardé la foi. Et c'est aussi le cas de Dianou? D'après ceux qui le connaissent, oui. C'est un violent? En tout cas, c'est un militant pur et dur, et c'est important. Avant de quitter les siens pour aller attaquer la gendarmerie de Fayaoué, il a arboré un foulard rouge. Ça veut dire quoi, ça? Selon les usages coutumiers, ça signifie que Dianou est prêt à verser son sang, s'il le faut. Ouais. Bon, alors revenons, puisque vous me l'avez proposé, revenons à la chronologie. Ravisseurs et otages sont donc repérés, mais entre-temps, il y a eu les élections. Oui, le premier tour des présidentielles et les élections régionales. Elles ont été massivement boycottées par les Kanaks. C'est donc un échec pour le gouvernement. Oui, même si, comme il fallait s'y attendre, les Caldoches, eux, ont largement participé au scrutin. Il faut aussi noter à Nouméa une forte poussée du Front National. Ça aussi, ça va compter. Parce que bientôt se profile le deuxième tour de la présidentielle. Oui, au premier tour, le score de Jacques Chirac a été, disons, médiocre. C'est exact. Oui. Par conséquent, le candidat Premier ministre peut être tenté d'user de fermeté pour séduire la droite dure. C'est à nouveau exact. Et sur le terrain, alors? Deux hommes vont jouer un rôle très important. Un magistrat, le substitut Bianconi, et le commandant du GIGN, le capitaine Le Gorgu. Tous deux vont essayer de prendre langue avec les ravisseurs. Pour négocier? Oui, chez Bianconi, un type courageux, il y a sans doute la volonté de reprendre les choses en main. Vous voulez dire qu'il veut restaurer l'autorité de la justice? Je le pense, oui. Et il décide d'aller seul et sans armes parler avec Dianou et les siens. C'est sacrément risqué, ça. Très risqué, oui. Alors au dernier moment, le capitaine Le Gorgu le rejoint. Et comment ces deux hommes sont-ils accueillis? Pas très bien, comme vous pouvez l'imaginer. Et Dianou, très excité, menace d'exécuter des otages si Le Gorgu n'ordonne pas aux hommes qui l'ont accompagné sur les lieux de rejoindre la grotte. Bilan de l'opération, 8 otages de plus. C'est vraiment pas un succès, ça. Apparemment, oui. Mais c'est plus compliqué que ça. Le magistrat et le capitaine du GIGN peuvent au moins parler avec Dianou. Et ils comprennent que le chef des ravisseurs est bien embarrassé. C'est-à-dire qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Oui. Bianconi et Le Gorgu pensent alors qu'une solution pacifique peut être mise en œuvre. Une médiation, par exemple. Et à force de discussion, le capitaine obtient l'autorisation de sortir de la grotte. Son idée, c'est de demander au chef du FLNKS... Tchibaou. Tchibaou, les autres, oui. Mmh. Eux seuls pourront convaincre Dianou de se rendre. Eux seuls, et peut-être aussi les chefs coutumiers. Mmh. Alors, Le Gorgu obtient la permission de rejoindre l'autre camp. Enfin. Oui, il explique son idée au général Vidal. Réaction ? Vidal est un militaire. Si le gouvernement lui en donne l'ordre, il est prêt à retirer provisoirement ses hommes et à favoriser une négociation. Mais beaucoup d'officiers ne comprennent pas. Ils veulent en découdre, casser les canaques. Et du côté du gouvernement ? Le gouvernement, c'est Bernard Ponce. Le ministre s'est déplacé à Nouméa et il coordonne les opérations. Dans un premier temps, il est plutôt favorable aux propositions du capitaine Le Gorgu. Ouais, dans un premier temps, c'est-à-dire que plus tard, il changera d'avis. Évidemment, mais n'allons pas trop vite. Le résultat provisoire, c'est qu'on note une certaine détente. Le Gorgu fait des allers-retours entre la grotte et l'extérieur. Bianconi recouvre une relative liberté de circulation et les ravisseurs peuvent être ravitaillés par les habitants des tribus voisines. À ce moment-là, on peut donc penser qu'on s'achemine vers une solution pacifique. Oui. Et avec la médiation du FLNKS. C'est là que le bas blesse. Expliquez. Un dirigeant du parti indépendantiste, Franck Vahuzué, est contacté. Mais il ne veut pas s'entremettre tout seul. Il exige d'avoir l'accord du bureau politique du parti. Aussitôt, Bernard Ponce se hérisse. Mais pour quelle raison, là ? Parce qu'il ne veut pas cautionner ce qui pourrait apparaître comme un mandat politique. Pour lui, il est exclu de discuter avec des terroristes. D'ailleurs, c'est tout dire, il envisage même de dissoudre le FLNKS. Ouais, il y a des travaux, là, dans cet immeuble. Oui, j'ai des nouveaux voisins. Bon, d'accord. Je vais pas en dire plus. Mais bref, pour revenir à notre histoire, Ponce ne veut pas dialoguer avec les indépendantistes. Surtout pas. Et est-ce que c'est aussi la position de Paris ? Difficile à savoir. Matignon se fie à ce que disent son représentant sur place. Bernard pense. Oui, mais à Paris, on ne peut pas deviner que dans l'ombre, d'autres hommes poussent à la roue. Des hommes qui veulent absolument l'épreuve de force. À qui, alors ? Encore un petit peu de patience, monsieur Pénaud. La conséquence, c'est que Bernard Ponce choisit la rupture. Il a interdit à Le Gorgu de retourner dans la grotte. Bon, désormais, il n'y aura presque plus de contact avec les ravisseurs. Et le pire est probable. Sur le climat qui règne chez les militaires présents sur l'île d'Ouvéa, et ils sont plusieurs centaines, un témoignage, celui du capitaine Le Gorgu. Dans son livre « La morale et l'action » paru chez Fixo, il écrit « Ce bref séjour à l'état-major de crise a renforcé mon impression de la veille. Une grande majorité de militaires ne rêvent que d'en découdre et poussent à la roue pour qu'une intervention musclée ait lieu, quels qu'en soient les risques. Il s'agit, pour ces va-t-en-guerre, de laver un affront. Cette solution a aussi les faveurs de nombreux politiques cyniques. Certains caldoches et des métropolitains y voient un moyen de rallier les suffrages de la droite la plus extrémiste au deuxième tour des présidentielles. Mais qui est l'homme qui a écrit ces lignes et qui a joué un rôle essentiel à Ouvéa ? Voici ce qu'écrit Edwy Plenel dans le livre que j'ai déjà cité. Mais sans doute est-ce parmi les militaires que se trouve celui qui vécut avec le plus d'intensité ces déchirements, acteur ambigu malgré lui de cette folle histoire, soumis à une double contrainte, écartelé entre son envie de négocier et la pression de son milieu professionnel. Philippe Le Gorgu, le chef du GIGN, l'homme déjà est un personnage à part, rien d'un officier traditionnel, semblable en cela à tous les personnages plutôt indisciplinés qui ont fait, pour le meilleur et pour le pire, la réputation de cette unité d'élite de la gendarmerie. Toutefois, sa dissidence n'est pas celle d'un Paul Baril ou d'un Christian Proutot. Il est moins baroudeur que le premier, moins soucieux des honneurs que le second. Et Plenel d'ajouter que Le Gorgu est un intellectuel égaré en gendarmerie par amour du plein air, de l'effort physique, du sport sous toutes ses formes. Vous dites le pire est probable. Il n'y a donc à ce moment-là plus d'espoir ? Presque pas, non. Car le gouvernement vient d'envoyer à Ouvéa des forces d'intervention particulièrement efficaces. C'est-à-dire ? Le commando Hubert, formé de nageurs de combat, mais aussi les hommes du 11e choc. Le 11e choc, on a souvent parlé, ce sont les hommes du service action de la DGSE. Mais ça n'est pas innocent. Que voulez-vous dire ? On ne mobilise pas ces hommes en vain. Si on les fait venir, c'est que la DGSE, d'une certaine façon, est dans le coup. Croyez-moi, je suis bien placé pour connaître la maison. En tout cas, ça signifie que Paris et Bernard Ponce ont choisi d'intervenir par la force. Alors le Gorju, encore lui, va tenter deux choses. D'abord, il téléphone à l'Elysée. À Mitterrand directement? Non, quand même pas, mais enfin auprès du chef de l'État, il y a son prédécesseur, l'ancien chef du GIGN, Christian Proutot. Oui, ouais. Toujours lui. Et c'est à lui qu'il s'adresse. Ouais. Et mais quelle est son intention en téléphonant à Proutot? Ben, il veut que le président sache exactement ce qui se passe à Ouvéa. Parce qu'il n'est vraiment pas au courant, enfin Mitterrand. Ben, c'est la cohabitation, n'oubliez pas. Ouais. Et puis en outre, on est entre les deux tours de la présidentielle, alors Matignon n'est guère pressé d'informer assidûment l'Elysée. Oui, mais constitutionnellement, François Mitterrand est le chef des armées. Là, c'est bien pourquoi le Gorju met ses derniers espoirs en lui. Une très brève parenthèse. Dans un livre récent au service du président, paru chez Michel Lafond, Christian Proutot raconte ce qui s'est passé ce jour-là à l'Elysée. Je le cite. Si ahurissant que cela puisse paraître, c'est uniquement grâce à ce coup de fil du capitaine Le Gorju que François Mitterrand a enfin pu savoir ce qui se tramait. Lorsque je lui ai expliqué que les commandos de l'armée étaient sur le point d'attaquer, il a réagi violemment. Il n'en est pas question. Je veux absolument qu'on donne une chance aux otages et aux preneurs d'otages de sortir vivants de cette affreuse histoire. Si le gouvernement mettait son projet à exécution sans mon accord, je me chargerais personnellement d'informer les Français de la façon dont ça s'est passé et je vais le faire savoir à Giraud dans les plus brefs délais. Giraud, je le rappelle, était alors le ministre de la Défense. On a dit que le Gorju avait pris deux initiatives, alors l'autre. Mais il essaye de gagner du temps. Et il croit avoir trouvé une solution. Il propose à Ponce de faire venir une équipe de télévision d'Antenne 2 pour enregistrer les revendications des preneurs d'otages. Oui. Après ce que vous avez dit, j'imagine mal le gouvernement accepter. Eh hein. Bien pourtant, il semble que Bernard Ponce ait hésité. Il a même proposé un temps que les journalistes de la télévision publique soient remplacés par une équipe du service d'information des armées. Enfin, personnellement, je pense que sa décision était prise. Il y a la décision de prendre la grotte d'assaut. Oui, alors le Gorju prend une dernière initiative. Il sait que l'attaque peut avoir comme conséquence la mort des otages. Il faut donc que ceux-ci soient protégés. Et grâce au substitut Bianconi, qui continuait de circuler relativement librement, il fait parvenir aux gendarmes otages deux petites armes de poing et des clés de menottes. Car les gendarmes du GIGN étaient attachés à l'intérieur de la grotte. Mmh. Une fois de plus, ce magistrat, là, Bianconi, a couru un nouveau risque. Hein. Tout à fait, oui. Ouais. Donc les armes sont livrées, les clés, l'assaut va pouvoir être donné. Et pourtant, une curieuse rumeur court dans Ouvéa. On dit que le FLNKS aurait donné son accord pour que les otages soient libérés le lundi 9 mai. C'est-à-dire après le deuxième tour de l'élection présidentielle. Oui. Ouais. Et d'après ce que vous pouvez savoir, qu'y a-t-il de vrai dans cette rumeur? Écoutez, franchement, je n'en sais rien. Il s'agit peut-être d'une manœuvre visant à intoxiquer les ravisseurs. À les endormir, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Enfin, d'un autre côté, chacun savait, surtout dans le camp indépendantiste, qu'il fallait trouver une solution et donc finir par libérer les otages. Alors on a peut-être raté une occasion d'éviter le massacre? C'est même très possible. Mais vous le rappeliez vous-même, il y avait le deuxième tour de l'élection présidentielle. Et à Paris, Matignon voulait absolument en finir avant. C'est donc l'assaut, hein? Il est prévu pour le matin du 4 mai et c'est un choix idéal. Pourquoi? Parce qu'il pleut violemment. Les bruits sont donc étouffés et que des défenseurs ont momentanément quitté le camp. Mais un report est décidé. Alors, je comprends pas, là, pour quelle raison? Je ne sais pas. C'est donc le lendemain matin que l'opération doit avoir lieu. Pendant toute la nuit, les trois équipes, le commando Hubert, le 11e choc et le GIGN, progressent silencieusement vers la grotte. C'est une marche pénible à travers la végétation. Mais à 6 heures du matin, tout est prêt. Soudain, trois pumas apparaissent au-dessus de la forêt. Quel doit être leur rôle? On va faire diversion et impressionner les ravisseurs. Et aussitôt, les hommes des commandos se ruent à l'assaut et commencent par neutraliser les postes de défense installés à l'extérieur de la grotte. Et les canaques ripostent, se battent? Oui, même très bien. Et deux soldats tombent, d'autres sont blessés. Les combats sont très violents, une douzaine d'indépendantistes sont tués au cours de ce premier engagement. Ouais, mais d'autres se trouvent toujours dans la grotte. Et avec eux les otages. Ouais. Rien n'est donc réglé à ce moment-là? Non. Un cessez-le-feu est alors décidé. Et on essaie de parlementer. Mais Dianou et les autres refusent. Alors, en fin de matinée, c'est l'assaut final. Le GIGN utilise toutes les armes sophistiquées en sa possession et les commandos se rendent maîtres de la grotte. Des indépendantistes se rendent, d'autres ont été tués. Et les otages? Ils se sont libérés de leurs menottes et grâce à une cheminée, ils ont réussi à gagner la surface pendant l'assaut. Mais là commence l'aspect le plus sombre de cette opération militaire. Je vous ai dit que les indépendantistes qui n'ont pas été tués se sont rendus. Parmi eux, il y a en particulier leur chef, Alphonse Dianou, qui a été blessé au genou. Blessé, sa vie n'est donc pas en danger? Non, et le Gorju lui-même a personnellement posé une perfusion. Or, quand il arrivera plus tard près de Fayéoué, on constatera qu'il est mort. Alors, que s'est-il passé? Il n'y a que deux solutions. Ou on l'a laissé sans soin, ou on l'a tué. D'ailleurs, on constatera aussi qu'il n'a plus sa perfusion et qu'il porte des blessures au visage. Et on se posera les mêmes questions pour deux autres indépendantistes qui ont trouvé la mort après la fin des hostilités. Et vous avez une explication, vous ? Je n'en ai pas, non, parce que je n'étais pas sur place. C'est un peu facile, ça. Ah, peut-être, mais enfin, je ne peux pas accuser sans preuve. Toutefois, l'enquête de commandement qui sera décidée par le nouveau ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, établira qu'un officier a violemment frappé les prisonniers au visage et évoquera plusieurs fautes graves. Ça, ces coups auraient pu entraîner la mort ? Peut-être, oui. En tout cas, l'assaut de la grotte d'Ouvéa se traduit par un véritable massacre. 19 Kanaks et 2 militaires tués. Joli résultat. Alors que sans nul doute, on aurait pu choisir une autre voie. Mmh. Une dernière question. À plusieurs reprises, vous m'avez parlé des services secrets. Hein ? Bon, je vous l'ai déjà dit que lorsque l'on appartenait aux services, on n'en sortait jamais vraiment. Or, en Nouvelle-Calédonie, il y avait un officier, un colonel, qui avait appartenu au SDEC. Son nom ? À quoi bon ? Sachez quand même que ce type était très influent dans la colonie blanche de Nouméa. Il avait même créé des milices anti-indépendantistes. Il avait gardé des relations avec le service, comme tous les anciens. Je suis sûr que c'est lui qui a suggéré qu'on fasse appel au 11e choc, qui n'avait pourtant rien à faire dans une opération de police. Ouais, mais dans quel but tout ça ? Les gars du service action ne sont pas des enfants de cœur. Quand on les envoie en mission, c'est pour tuer. C'est ce qu'ils ont appris à faire. On voulait donc tuer les Kanaks d'Ouvéa ? Ça me paraît clair, non ? Et Mitterrand. D'après son biographe, Jean Lacouture, pressé par le ministre de la Défense, André Giraud, il aurait fini par consentir à l'action, non sans donner l'ordre de ne pas exécuter les Kanaks. Un ordre qui ne sera donc pas suivi sur le terrain. Christian Proutot est encore plus précis. Il affirme d'abord que le président n'a donné son accord qu'à condition que le GIGN serait engagé aux côtés des hommes des commandos. D'autre part, Proutot rapporte la dernière conversation avec François Mitterrand avant que celui-ci ne donne son feu vert. L'officier détaille l'opération prévue telle qu'elle lui a été décrite par le Gorju. Je cite à nouveau le gendarme de l'Élysée. François Mitterrand m'écoute avec attention. Combien cela va-t-il coûter en vie humaine ? Nous espérons aucune, monsieur le président, mais c'est une opération difficile et risquée. Il peut y avoir 2 ou 3 morts. Un long silence suit ma réponse. C'est sans doute terrible pour lui de prendre une telle décision. Donnez l'accord et tenez-moi au courant. Venez me rejoindre dans mon bureau un peu avant 19h. Nous attendrons ensemble. Mais François Mitterrand pouvait-il réellement s'opposer à cette opération militaire en risquant d'être accusé de laxisme ? La compétition électorale a des raisons que la morale ignore parfois. En tout cas, la question reste posée. D'autre part, une issue pacifique était-elle possible, comme le pense M. X ? Dans son livre de souvenirs « Persiste et signe », Edgar Pisani affirme qu'il était en train de négocier avec Jean-Marie Tjibaou. Et il écrit « Les modalités pratiques de cette solution furent même élaborées. Dès la libération des gendarmes, un avion militaire se poserait sur la piste d'Ouvéa, chargerait les insurgés à son bord jusqu'à Paris, où ils seraient jugés dans le cadre d'une procédure criminelle régulière. Bernard Ponce et Jacques Chirac n'ont pas voulu d'une solution de ce type et ils ont précipité les choses pour la rendre impossible. Ils ont voulu l'affrontement dont ils pensaient qu'à la veille des élections, il deviendrait un titre de gloire. » Mes soupçons sont d'autant plus fondés qu'au moment même où se déroulait le drame d'Ouvéa, je suivais de près un autre dossier qui était celui des otages français au Liban. Or, je sais que des émissaires de Jacques Chirac et de Charles Pasqua ont, dans cette affaire, volontairement fait échouer une procédure dont je ne garantis pas qu'elle aurait abouti, mais qui, mise en œuvre, aurait sans doute permis la libération des otages. Si vous avez des informations complémentaires ou inédites sur cette affaire ou sur d'autres dossiers évoqués par M. X, vous pouvez m'écrire à la maison de la radio, 116 avenue du président Kennedy, Paris 16e, ou bien m'adresser un message via internet www.franceinter.com. Rendez-vous avec X.